À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, des centaines d'espèces de timbres coréens ont été exposées de façon intensive le 14 courant à l'exposition de timbres coréens et au musée des timbres coréens. Ce thème, 5 ans de regrets et sa grande vie, ils font jeter un regard rétrospectif sur la vie révolutionnaire et les espoirs impérissables de Kim Jong-il, qui a jeté les assises éternelles de la prospérité et de la puissance Paektusan, et sur ses efforts dévoués patriotiques pour le peuple. L'exposition continue jusqu'au 23 décembre.